بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, comme vous avez pu l'entendre dans la khutbah, on a parlé de l'un de ces piliers des plus importants, at-tumanina, c'est-à-dire la sérénité dans la prière, la tranquillité. Un pilier qui est bien souvent délaissé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai rappelé ici, comme il est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, lorsqu'il a vu cette personne qui est appelée le Moussif al-Salatiyah ou le Moussif al-Salatahu, c'est-à-dire celui qui faisait mal sa prière, il lui a dit, lorsque cette personne venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est rentré dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un coin de la mosquée, il est rentré, il a prié deux rak'ah, puis il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit assalamu alayka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, il lui a dit, donc il vient pour le saluer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc wa alayka, reviens et prie car tu n'as pas prié. Et lorsque ce dernier demanda au bout de la troisième fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui informer de la raison de sa parole, il lui apprit cela, le fait que cette personne n'a pas été tranquille dans sa prière, n'a pas été serein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfléchissait bien sur cette parole. Il lui a dit irji' fa salli fa innaka lam tusall, reviens et prie car tu n'as pas prié. Pourquoi? Car il a délaissé la tranquillité. Qu'est-ce que la tranquillité? At-tumanina. Comme je l'évoquais dans la khutbah ici, il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié sur al-minbar et il descendait pour se prosterner. Pourquoi a-t-il fait cela? Comme il est rapporté dans des livres de traditions prophétiques, parfois on trouve le chapitre de la prière sur le minbar. Babu salati ala al-minbar. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait cela pour enseigner à ses compagnons, radiyallahu anhum. C'est-à-dire qu'il priait sur le minbar pour leur enseigner la prière et il descendait pour se prosterner. Sur cela, parfois lorsqu'on parle de tuma'nina, la tranquillité, ou lorsqu'on dit il ne faut pas faire comme cela, ou comme je l'ai rapporté ici dans la khutbah, ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit trois choses. Naqratu, ou naqrat dik, c'est-à-dire picorer comme un coq. Qu'est-ce que ça veut dire? Picorer comme un coq, ça veut dire que la personne prie tellement vite qu'on dirait un coq, comme il picore. Vous voyez? Vous comprenez l'image qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que al-iqa'a comme al-iqa'a del kalb. C'est une manière de s'asseoir où la personne met ses pose azakumullah ses fesses par terre, ses deux pieds de cette manière-là et ses mains de la même manière, comme cela, les deux pieds comme cela et sont derrière azakumullah par terre. C'est-à-dire de s'asseoir comme le chien. Et ça, c'est une posture qu'on peut voir le chien s'asseoir de cette manière-là. De même que il dit fat al-tha'lam, le renard. En plus, on en voit plein ces temps-ci qui sortent de la forêt. Le renard, quand il avance, tu le vois se retourner dans tous les sens. C'est trois choses dont, ou à propos desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et nous a interdit. Et c'est des choses qui sont pratiquées effectivement par beaucoup de gens. Et cette chose-là est une chose qui vient nier, qui est en contradiction avec la tranquillité dans la prière, toutes ces choses. Et on peut prendre aussi d'autres choses qui tendent vers cela, comme par exemple le fait de beaucoup se toucher la barbe dans la prière, de beaucoup se toucher les cheveux, remettre ses habits, faire comme ci, comme cela parfois, certains même ils sortent le téléphone. Alors ça vient contredire la tumanina, la tranquillité dans la prière. Et ça, c'est une chose qui est beaucoup délaissée des gens. Pareil, plusieurs ahadiths que j'ai rapportés, pourquoi est-ce que je les ai rapportés? Le fait de parfaire son recours, son inclinaison et son soujoud. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui, lorsqu'ils vont en recours, donc lors de l'inclinaison, ils s'inclinent et c'est-à-dire qu'ils ne font pas parfaitement cette inclinaison. C'est-à-dire le fait de s'incliner correctement, comme cela. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, on pouvait mettre un récipient sur son dos et ce récipient ne tombait pas. Est-ce que certaines personnes, comme ils prient sans tranquillité, lorsqu'ils font, ils se relèvent aussitôt, ou alors ils s'inclinent de cette manière-là? ou alors trop comme ceci, ou trop comme cela. Ici, ayyuhal ikhwa, la prière qui est la colonne principale de la religion, amoud ad-din, c'est quelque chose qui nous convient à tous d'apprendre. Ce n'est pas quelque chose que, à propos duquel on peut dire ici, et qu'en est-il alors yawm al-qiyama, lorsque tu seras interrogé sur cette prière, qui est la première chose sur laquelle sera interrogé le serviteur. Tu peux dire, j'ai vu mon père faire comme cela, j'ai donc fait ainsi. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et sa manière de prier est détaillée dans les recueils de hadith. Chacune de chacun de ces mouvements, chacune de ces harakas a été rapportée par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont effectivement transmis le message et qui n'ont pas trahi et qui n'ont pas failli à cette mission. Radiallahu anhum ajma'in. L'ensemble de ces mouvements. Parmi ces erreurs, rapidement, une chose que beaucoup de personnes font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait sa prière, il faisait le takbir. Comme ça, le takbir, ce n'est pas ce mouvement des mains, le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Puis, dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains, soit à la hauteur des épaules, soit à la hauteur des oreilles ici. Il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme cela, comme certaines personnes peuvent le faire, ni même comme cela. Vous comprenez ? Allahu Akbar. Non. Il faut se contenter de ce qui rapporte ça. C'est une adoration, une des plus grandes adorations, et une des adorations à propos de laquelle il y a le plus de traditions rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité de sortir de cela, sortir de sa manière, de la description qui est faite de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu le grand nombre de traditions qui est rapportée à ce propos. Il levait ses mains. Allahu Akbar. Ensuite, il posait ses mains de cette manière-là. Et soit il posait ses mains, soit il faisait ce qu'on appelle le qabd, c'est-à-dire qu'il accrochait. Soit il accrochait ici, ce qu'on appelle rusra. En arabe, donc, c'est cette partie-là. Il l'accrochait comme cela. Ou alors il posait simplement sa main comme cela, ou il l'accrochait. Ou alors il posait sa main sur le dos de son autre main. C'est ce qui est rapporté du prophète. Il n'est pas rapporté qu'il priait comme ça, ou comme ça. Vous comprenez ? La personne qui fait ça, sa prière est valide. Mais est-ce que cette personne-là, elle a répondu à la demande du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sallou kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça, ou certaines personnes qui prient comme cela. Non. Il n'a pas été rapporté cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est trois manières. Comme cela, ou comme cela. D'accord ? Ensuite, les mouvements qui viennent après le Ar-Ruku, l'inclinaison, donc comme je l'ai montré, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, il est rapporté qu'on pouvait mettre un récipient sur son dos et que ce récipient ne tombait pas. Et dans tous ces mouvements-là, at-tumanina, la sérénité, tu ne vas pas vite, tu ne t'empresses pas. Ne pas s'empresser, ça ne veut pas dire rester 5 minutes. Lorsque tu te baisses, prendre 5 minutes pour faire cela, rester 5 minutes dans ton recours. Non, ça veut dire simplement ne pas faire comme il a été rapporté ici, naqratiddiq, picorer comme une poule. Vous comprenez ? Et c'est une image qui a été donnée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ressembler à un être humain qui est la personne, qui est la créature qui a été honorée par Allah azza wa jal, qui nous a créé sous cette forme par un animal plus vil que ce dernier. Que ce soit le corps ou le chien. Si on te dit tu es un chien, c'est une insulte. Pourtant, certaines personnes prient comme le chien. Et ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, tu te relèves de ton recours. Et ce n'est pas au moment même où tu te relèves de ton recours que tu t'empresses à partir en sujoud. Tu te relèves jusqu'à ce que chacune de tes vertèbres revienne à sa place. Comme il a été rapporté dans ce hadith. Où cette personne-là, il faisait mal sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reviens et prie car tu n'as pas prié. Lorsqu'il lui a enseigné comment faire pour prier avec sérénité, il lui dit jusqu'à ce que chacune de tes vertèbres, ta colonne vertébrale, revienne à sa place. C'est-à-dire que tu reviennes comme tu étais exactement avant l'inclinaison. À ce moment, ça ne veut pas dire non plus rester pendant 10 minutes comme cela. Juste le faire avec sérénité. Puis tu te prosternes. Au moment de se prosterner, il va dire quoi, une erreur que fait beaucoup de gens. La manière dont tu poses tes pieds et tes bras. Ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il écartait ses bras de ses flancs. Il est écarté, c'est vrai. Et ceci est pareil pour l'homme comme pour la femme. Ceci est pareil pour l'homme comme pour la femme. Il écarte les bras de ses flancs, de cette manière-là. Et non comme cela, de cette manière-là. Barakallahu fikoum. Il écarte les bras de ses flancs. Pas comme cela. De même qu'il ne laisse pas ses avant-bras traîner par terre. Car aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du chien, de la personne qui fait cela. Et il a dit qu'il mettait ses bras par terre comme le chien. Comme le chien. En posant ses bras comme ça. Non. Tes mains doivent se prosterner. Et cette partie-là doit être élevée du sol. De même que cette partie de ton corps, cette os, doivent se prosterner. Comme il est venu dans le hadith rapporté par Ibn Abbas dans As-Sahihayn. Quelles sont ces sept os? Les deux mains, les deux genoux, les deux pieds, ça fait 6. Le bout des pieds. Une erreur que fait beaucoup de personnes lors de la prostration, ils lèvent, ils décollent les pieds du sol. Ou alors ils mettent un pied sur l'autre. Ça arrive. On le voit souvent, ils décollent même un petit peu les pieds du sol. Non, c'est les doigts de pied, ces derniers, doivent toucher le sol, ils doivent se prosterner. Les genoux, ça fait 4. Les mains, ça fait 6. Et cette partie-là, c'est-à-dire le nez et le front. Cette partie-là, ça fait 7. Les personnes qui se prosternent juste sur le front et qui décollent le nez, ça aussi c'est une erreur dans la prière. Tu dois te prosterner sur cette os-là, c'est le 7e. Pareil pour la prosternation, comme je l'ai dit, les pieds doivent être collés de cette manière-là. Les pieds, les talons doivent être collés, de même que les doigts de pied, lorsque tu te prosternes. Collés, pas écartés. Une erreur aussi que font beaucoup de gens. Il est rapporté que notre mère Aïcha, radhiyallahu anha, s'est réveillée un jour dans le noir et a attrapé devant elle les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait, et ses pieds donc étaient collés comme cela, pas écartés. Ça c'est très important, si tu veux prier comme notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu suives ces enseignements-là, ce n'est pas plus difficile. Ce n'est pas parce que ton père prie de telle manière que ça t'empêche de le conseiller lorsque tu auras appris, d'apprendre, de pratiquer, puis de le conseiller une fois que tu auras appris. Mais tu es dans l'obligation d'apprendre. Toute chose que tu es dans l'obligation de pratiquer dans ta religion, tu es dans l'obligation de l'apprendre, comme l'a dit Al-Fudayl ibn Iyad et un grand nombre de nos vieux prédécesseurs. Kullu amalin kana alayka fard, fata'allumuhu alayka fard. On ne t'oblige pas d'apprendre de les règles de la zakat, de l'aumône, alors que tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas partie de ceux qui sortent l'aumône. Mais la prière, tu la pratiques tous les jours. Et tous les jours, quand on vient à la mosquée, on peut trouver des gens qui ne la pratiquent pas correctement. Une dernière chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main sur son genou de cette manière-là. Soit comme cela, en faisant un cercle avec son pouce et celui-là, c'est-à-dire le majeur, ou soit de cette manière-là, comme cela, ou en faisant le cercle comme cela, c'est-à-dire en fermant le poing ou en faisant le cercle. C'est ce qui est rapporté. Le doigt est comme cela, pointe en direction de Al-Qibla. Le doigt pointe, et il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait l'index. Ça ne veut pas dire bouger comme cela, bouger au moment où il invoquait. Ça ne veut pas dire bouger comme cela ou bouger. Non, il bougeait. Quand on te dit bouge ton doigt, tu ne penses pas à faire comme cela ou comme cela, on te dit bouge ton doigt simplement. Il est rapporté qu'il bougeait, donc tu bouges ton doigt. D'accord ? Simplement. Pas comme ça, et à un certain moment tu te mets comme ça. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait at-tashahhud, toutes les parties du tashahhud, il faisait comme cela. Il ne fait pas comme cela ou comme cela. Il a rapporté cette manière-là. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien laissé n'ont rien délaissé de sa sunnah et n'ont pas failli à leur tâche de rapporter le message. Donc tu trouves tout cela dans les livres qui rapportent les traditions prophétiques. Une dernière chose, lorsque tu fais as-salam, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme cela. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il n'y a pas cette partie-là où on fait au milieu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Non. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois disait Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Parfois il disait wa barakatuh aussi de l'autre côté. Parfois il disait assalamu alaykum wa rahmatullah. Et ici il disait juste assalamu alaykum. Et il est rapporté que parfois il disait assalamu alaykum du côté droit. Parfois, pas tout le temps. Assalamu alaykum. D'accord ? Il est rapporté qu'on voyait le blanc de sa joue lorsqu'il. Donc il n'est pas légiféré de faire comme cela. Assalamu alaykum. Non. Assalamu alaykum. Donc, jusqu'à ce que celui qui est derrière toi, il voit ta joue. Une dernière chose, lorsque tu pries en tant qu'imam, ce qui est rapporté, c'est que le salam Comme le takbir, que tu pries comme imam ou tu pries à la maison tout seul, si tu élèves ta voix dans tous les cas, le takbir, comme le salam, il est rapporté qu'il doit être jazm. Qu'est-ce que ça veut dire jazm? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Allahu akbar. Ça, c'est la sunna. De faire de cette manière, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ça, rien à voir avec la sunna. Il est rapporté que le salam était jazm, c'est-à-dire qu'il est tranché de cette manière-là. Assalamu alaykum wa rahmatullah. De même que le takbir. Allahu akbar. Non. Allahu akbar. Vous voyez, notre religion, il n'y a pas de ce qu'on appelle takalluf, d'exagération. Vous comprenez? Une dernière chose, dans la prière en groupe, et la manière de mettre ses pieds dans ta prière, soit dans la prière en groupe ou autre, dans la prière en groupe, de cette manière-là. Vous voyez, les pieds droits. C'est pour cela que celui qui est à côté de toi, il va pouvoir coller ses talons, comme il est rapporté que As-Sahaba il faisait, il va pouvoir coller ses talons et ses épaulatoires. Par contre, si tu te mets comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler certaines positions à des animaux. Cette position-là, elle ressemble aussi à la position, même si elle n'a pas été évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un dénigrement. Vous voyez que dans la sunna, il est rapporté cette chose-là. Ce n'est pas un dénigrement de ceux qui le font. Mais c'est bien la position des pieds d'un canard ou d'un pingouin. Ce n'est pas un dénigrement. C'est une réalité, comme cela. Comment la personne qui est à côté de toi, elle peut coller ses pieds, comme il est venu dans la sunna? Comment, si tu te mets comme ça dans ta prière? Donc simplement, tu mets de cette manière-là. Ce n'est pas difficile. Tu mets comme cela pour que la personne puisse coller ses pieds et pratiquer la sunna qui est rapportée de nos compagnons. Comment ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier et comment eux-mêmes ils ont prié. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.